son papa. Walpa, sans maman, sans papa. Ni maman, pas ni papa. Tac, pi, tac, pi, tac, monte le son. 30 degrés ou mauvais temps. Même sans deuil et sans tout vent. Walpa, toujours en mission. Ti, ti, ti, ti, top. Yo, pichot qui a l'époque. Elle veut Boris et ses potes. Ça qu'est fini en compote. Pa, pa, pa, pa. Pas ni maman, pas ni papa. Walpa, pa, pa, pa, pa. Cousine Lise Manawa. Ou peut trouver tout partout. De le même bokeyou. En carbone ou épinomou. Ça qu'a fait pa, pa, pa. Walpa, ni maman, pas ni papa. Walpa, cousine Lise Manawa. Walpa, qu'a dormi la nuit. T'es loup bien manawa. Toujours à dimi tout ni. Pas fait confiance qu'on zami. Ex ou ce nouveau nom li. Ou pémandé sa keli. Sa louche, m'en dit ou manzel pas net. La même ou ka di corps, c'est pas Marie-Antoinette. Il ka collectionné graines, je ne parle pas de Kenneth. Pas capoté en lorade, juste quelques millimètres. En dimi couli ou mélangé avec la pia. Les ou fini tu te lis, sa café en walpa. Manzel toujours aigri, j'ol marie conchita. Mettez un tichata pour y grager sol là. Walpa, ni maman, pas ni papa. Walpa, cousine Lise et manawa. Walpa, ka dormi la nuit. Walpa, skatel ou bien manawa. Toujours à dimi. Tourni. Pas fait confiance qu'on s'en mis. Ex ou ce nouveau nom li. Ou pémandé sa keli. Pépani pièce doute. Il passe à gilet point tout tout tout. Le ouai ou pépani pièce doute. Il passe à gilet point tout tout tout. Il capote des rats bien mini élastique. Il dit en théorie, il s'y met la pratique. Plus rien ne me choque, mais là sa vie n'est critique. Il pas même ni en rat qui bon pour l'église. Sans maman, sans papa. Walpa, sans maman, sans papa. Ni maman, pas ni papa. Tac, pi, tac, pi, tac, monte le son. 30 degrés ou mauvais temps. Même sans deuil et sans tout vent. Walpa, toujours en mission. Ti, ti, ti, ki top. Yo, pichot qui a l'époque. Elle veut Boris et ses potes. Ça qu'est fini en compote. Papa, walpa, pa, pa, pa, pa, pa. Cousine Lise Manawa. Ou peut trouver tout partout. De le même bokeyou. En cabane ou épinomou. Ça qu'a fait pa, pa, pa.